À l'UQAM, au sein de l'école des arts visuels et médiatiques, où j'étais professeur invité, enseignant, et ainsi de suite. Et donc, actuellement, je travaille sur cette question d'imagination artificielle. Alors, comme il y a normalement 20 minutes de parole, je vais lire un peu mon texte, parce que pour être très synthétique, et puis j'imagine qu'il y aura des questions avec les autres intervenants. Alors, donc j'aimerais vous présenter l'état de mes recherches menées en parallèle dans le domaine de la philosophie et de l'art, concernant l'imagination artificielle, qui est un concept que j'essaye de fonder. C'est-à-dire que, il y a quelques occurrences du concept d'imagination artificielle dans l'histoire, mais pas tant que ça, finalement. Comme le temps dont je dispose est assez court, donc normalement on m'avait dit 20 minutes, je vais donc expurger les citations, les références, les présupposés de mon discours. Bien évidemment, parce que ça supposerait de déployer un réseau référentiel beaucoup trop important. Et aussi les références trop nombreuses à mon travail artistique, où là je vais me présenter une toute petite part. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, il y a un site internet et là il y a énormément d'autres choses. C'est pas mon sujet principal, l'imagination artificielle. J'espère malgré tous les sauts que je vais faire, les raccourcis que je vais opérer, j'espère malgré tout que ce que j'essaye de faire avec ce concept, qui s'élabore au sein d'un séminaire à Normale Supérieure que je co-organise avec Alexandre Cadin et Béatrice Joyeux-Prunel, donc qui est un séminaire de recherche qui s'appelle Post-Digital et dont pendant 2 ans le thème c'est l'imagination artificielle, donc c'est mon thème de recherche. J'espère que malgré tous ces sauts précipités, ces raccourcis, vous allez ressentir un petit peu l'orientation de la recherche, sachant qu'on a commencé juste en septembre le séminaire sur ce sujet. Alors, de quoi s'agit-il, très précisément? L'imagination artificielle se présente comme un concept concurrent ou complémentaire, comme on veut, du concept d'un concept beaucoup plus connu qui est celui d'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle est une hantise depuis au moins les années 50, avec ses espérances et ses désillusions, et a vu un regain d'intérêt il n'y a pas si longtemps, à l'été 2015, avec la promotion par Google, Facebook, IBM et Microsoft de ce qu'on appelle les réseaux récursifs de neurones. Je ne partirai pas dans une définition précise des réseaux récursifs de neurones, j'ai fait d'autres conférences sur le sujet, mais disons qu'il s'agit de logiciels assez particuliers, dont on voit là un résultat, qui vectorise, je simplifie à l'extrême, de très très grands stocks de données, quelles que soient ces données, ça peut être des images, des textes, des sons, peu importe, pour produire un résultat ressemblant et crédible. Donc c'est comme des machines qui apprennent. C'est une technique qui existe depuis longtemps, hein, depuis au moins les années 80, qui a même été conceptualisée dès le début dès la cybernétique, dont la matrice a été développée dès les années 50, mais qui aujourd'hui est appliquée à très grande échelle sur les réseaux sociaux et sur beaucoup d'autres domaines. Là, vous voyez un exemple d'un chercheur de Google qui génère donc un visage à partir d'autres visages. Ce visage que vous voyez n'existe pas dans la base de données initiale, mais pourrait y appartenir. Et tout de suite, ce qui saute aux yeux, je ne le développerai pas, c'est que stylistiquement, cette image est très particulière. Elle est plastiquement étrange. Elle n'est pas une reproduction à l'identique. Alors, le discours promotionnel de ces entreprises, de la Silicon Valley, a été repris tel un mot d'ordre par les médias et jusqu'au discours politique avec la fameuse fin du travail, puisque quand on parle de fin du travail, on parle en grande partie, pas seulement, mais de ces logiciels, parce que ceci permettrait d'automatiser le secteur tertiaire des services, également aider, et ça crée un contexte de médiation, comme dirait Yves Citon, également aidé par la diffusion de films tels que Her ou Ex Machina. En ce domaine, la réalité se tisse immédiatement de discours, de prétentions et de fictions. Alors, il n'est pas même nécessaire de passer en revue les articles de presse pour savoir qu'un certain storytelling s'est mis en place dans les mass médias, dans lequel la machine viendrait remplacer l'être humain. Par exemple, c'est cette histoire où deux ordinateurs parleraient ensemble dans une langue inhumaine avant d'être brutalement débranchés par les chercheurs de Facebook de peur qu'ils deviennent autonomes. Récit immédiatement démenti par Facebook, mais en même temps diffusé par eux, au début, nécessairement. Ultime décentrement anthropologique, après les blessures narcissiques des grandes découvertes scientifiques occidentales, les machines pourraient prendre notre place, nous rendant parfaitement inutiles et obsolètes. Alors, comment pouvons-nous distinguer clairement ce discours dominant dans les mass médias et l'intelligence artificielle en tant que technologie matérielle qui existe et où il y a des logiciels précis? cette technologie n'a-t-elle jamais été indépendante d'un récit fictionnel ? D'une façon, et là il faudrait revenir à la, aux racines de la cybernétique. D'une façon générale, une technologie n'est-elle pas précisément le lieu où l'imaginaire et un certain état de la matière, organisé, se rencontrent en tant que causalité construite ? Alors j'aimerais vous proposer de considérer ces deux éléments, technologie et imaginaire, comme absolument inséparables, et de problématiser leur inextricabilité comme, c'est une proposition que je vous fais très rapidement, comme notre époque même, comme l'esprit de notre temps, comme notre zeitgeist. J'aimerais aussi vous proposer d'envisager cette articulation comme une définition possible de notre imagination, qui serait prise entre la crise, le remplacement, la précarité, la résistance et la déception. Alors il faut même sans doute aller un peu plus loin concernant ce récit sur l'intelligence artificielle et apercevoir un lien assez troublant entre ce remplacement de l'être humain par les machines et d'autres discours du remplacement, parfois nauséabonds ceux-ci, en particulier je pense à la notion de remplacement ethnique développée par l'écrivain racialiste Renaud Camus, ou d'un autre, sur une autre, vraiment sur autre chose, toutes ces questions de remplacement de la souveraineté, du remplacement de la Chine, des États-Unis par la Chine, etc., comme si à notre époque, il y aurait un imaginaire du remplacement qui pourrait toucher l'anthropologie comme telle, la possibilité même de l'être humain. Alors, ce récit du remplacement donne peut-être la tonalité de notre époque et d'une précarité généralisée, comme je le disais, qui construit l'horizon de notre perception, notre monde environnant, notre tonalité affective, notre Stimmung, dans laquelle nous baignons sans même le savoir. Ces remplacements sont bien sûr fort différents les uns des autres, et on ne saurait les confondre. Mais ils ont ceci de commun, qu'ils présupposent tous à un niveau ou à un autre, une représentation fondée sur l'identité. En effet, si nous prenons par exemple l'exemple du remplacement ethnique, du grand remplacement comme on dit, il présuppose que nous savons quel est le point d'origine, par exemple la culture occidentale ou française, et quel est le point d'arrivée, une culture étrangère, autre, différente. Nous savons qui nous sommes et nous savons qui ils sont. Pour remplacer quelque chose par quelque chose, il faut identifier au moins deux points. Il faut savoir qui ils sont et en être absolument sûr. Ce n'est pas le moindre des paradoxes du remplacement que d'être, à proprement parler, hanté par la ressemblance de ce qui est remplacé et de ce qui remplace. C'est la terreur de l'humide et des flux, de l'écoulement de toute chose sur autre chose et de l'effondrement du sujet. Alors, par là même, nous retrouvons sur notre chemin une question qu'on va bien sûr aborder. Là, je fais un détour, mais on va revenir à la question de l'art. Une question éminemment artistique qui est tout simplement celle et qui semblait un petit peu obsolète tant elle était classique et éculée étant la littérature dessus depuis Aristote et absolument monstrueuse, qui est tout simplement la question de la mimésis et de la représentation. Alors, je crois que le miroir noir et le second test de Turing peuvent nous permettre de développer un paradigme efficace pour rapprocher cette manière de percevoir et d'imaginer des phénomènes technologiques qui sont indissociablement idéologiques, c'est-à-dire imaginaires. L'imagination a pour intérêt d'être un discours de discours. Ainsi, l'intelligence artificielle n'est pas une technologie objective, mais une infrastructure matérielle, pour reprendre les termes de Marx, et une superstructure idéologique. L'imagination apparaît donc comme une méthode viable pour considérer les conditions de possibilité d'un discours. Alors, dans un livre absolument remarquable que je vous recommande de lire, Le miroir noir, enquête sur le côté obscur du reflet, Arnaud Maillet, qui étudie cet objet, ce fameux objet du miroir noir, aborde cet objet fort paradoxal dont la popularité, avérée à la fin du XVIIIe siècle dans l'Europe des amateurs du pittoresque, fut rejetée au XIXe, puis presque totalement oubliée de nos jours. De quoi s'agit-il, ce miroir noir ? Ce miroir était utilisé par certains artistes parce qu'il permettait de produire un reflet atténué de la réalité. On perdait la luminosité naturelle et la précision des contours. Par là même, le reflet était comme un élément entre le monde et la représentation, il était déjà un peu entre les deux. De manière quasiment objective. Il ressemblait, pour ainsi dire, à une peinture. L'esthétique du miroir noir est celle d'un reflet qui n'est pas fondé sur la reproduction de l'identique, mais sur la production d'une ressemblance, c'est-à-dire d'une différence. Car on ne connaît ici ni le point A ni le point B, dont nous parlions précédemment, on ne connaît que le point intermédiaire, le point C, c'est-à-dire le miroir noir. Alors, donc ça permet, ce modèle du miroir noir va nous permettre de penser une représentation, une mimésis qui n'est pas identitaire mais purement relationnelle. Alors j'aimerais rapprocher ce dispositif optique du second test de Turing. Alors si la première version du test est extrêmement célèbre, et je m'étends pas dessus, j'imagine que vous la connaissez un peu tous avec tout son soubassement sexuel, etc. Il y a une histoire du test de Turing qui est assez amusante. Je vais aborder la seconde version du test qui est beaucoup moins connue. En effet, Alan Turing estima que la version initiale de son test était injuste envers la machine. Car on demandait à la machine quelque chose qu'on ne demandait pas à son concurrent humain, être lui-même, jouer son propre rôle. Alors vous vous souvenez peut-être, je dis ce que c'est que le test de Turing pour ceux qui en connaissent pas les modalités. Donc un être humain, une machine, qui jouent tous les deux le rôle d'un être humain, on n'en connaît pas l'apparence physique. Donc imaginons ils sont derrière une porte, on pose des questions pour savoir qui est l'être humain et qui est la machine. Ça imprime du papier avec les réponses de l'être humain et de la machine. Et si on fait le même nombre d'erreurs pour affecter qui est l'être humain et qui est la machine aux deux, on dira que la machine est dite intelligente. C'est ça le test de Turing. Alors, donc dans cette seconde version du test, la machine et l'homme jouent tous les deux le rôle d'une femme. En fin de compte, tous les deux font semblant. Et c'est par ce travestissement qu'une égalité du simulacre peut avoir lieu entre l'être humain et la machine. Si chacun se masque en effaçant ses traces, et ça fait penser à un texte de Lacan, c'est parce que chacun prend en compte la relationnalité de l'effet produit. Cette version du test, à la manière du miroir noir, crée un objet intermédiaire qui existe au même titre que les objets mis en relation. Il n'y a donc plus d'original, plus de copie. La représentation n'est pas fondée sur une identité de l'origine, mais sur une espèce de schisme, de séparation originaire de chaque élément mis en jeu. Alors, bien sûr, tout ça n'est pas sans rappeler Pierre Klosowski et Nietzsche et le cercle vicieux. Mais ce qu'il faut, pourquoi je vous parle du miroir noir et de ce second test de Turing, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas pour objectif de ressembler à l'être humain, car alors on supposerait qu'on sait ce qu'est l'être humain. Or, on ne le sait pas. Sa définition, et d'ailleurs on ne connaît ni sa définition, ni son extension. Alors, donc maintenant, l'artificiel, me semble-t-il, est par définition de l'imagination, parce que tout simplement l'artificiel est un artifice, un simulacre, la représentation d'une ressemblance, c'est-à-dire d'une différence. C'est pourquoi pour aborder cette fameuse intelligence artificielle, l'imagination est un outil extrêmement utile et efficace. Il permet de mélanger les couches matérielles, idéologiques, les récits que s'en font les médias, et de comprendre comment on perçoit ça. En fin de compte, nous ne cessons d'imaginer l'artificiel, et on pourrait même pousser plus loin et dire qu'il n'y a d'imagination qu'artificielle. On comprendra l'inextricabilité de l'imagination artificielle et de l'imagination de l'artificiel. La manière dont la machine peut produire des images, car l'imagination, c'est la production d'images, et la manière dont nous imaginons nous-mêmes l'artificiel. C'est dans ce nœud très précisément que se tisse notre question, et c'est en lui que s'élabore notre relation quotidienne aux technologies. Donc la question n'est absolument pas de savoir si la machine va remplacer les facultés cognitives de l'être humain, mais quels sont les effets de fiction réelle de notre imaginaire et de la machine. Alors, Pierre Kasounoguès, dans un excellent livre, « Lire le cerveau », démontre comment les lecteurs neurologiques, vous savez, ceux qui permettent de capter les ondes alpha, bêta, et voilà, ne peuvent pas traduire les états du cerveau en états mentaux. Il montre l'impossibilité logique de cela, mais par contre, peuvent induire la croyance en cette traduction et transformer ainsi notre comportement et notre réflexivité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, je suis dans un lit, avec une femme, un homme, peu importe, j'ai un casque, un lecteur neurologique, l'autre personne me donne une cigarette, et je me dis, c'est sans aucun doute que j'y avais pensé. C'est-à-dire que la croyance, par exemple, un lecteur neurologique, induit une certaine croyance, une certaine performativité. Alors, ce redoublement de la pensée est, à mon avis, l'imagination, parce qu'elle est une répétition de la différence et non de l'identité. Alors, j'aurais pas le temps de le développer, mais il y aurait là, parce que ça nous amènerait vers des développements beaucoup plus complexes, qui touchent d'ailleurs très directement à ce qui a été dit précédemment, la discussion qui s'est développée entre Sellars et Churchland sur la question du matérialisme éliminationniste, excusez-moi, et la question de l'impossibilité de faire absolument se correspondre la structure du cerveau et la structure des réseaux de neurones. Mais passons. Alors, le temps presse, et donc je ne vais pas pouvoir déployer plus avant les conséquences de cette structure, qui n'est pas une structure une représentation et de ressemblance. Mais ce qu'on aperçoit déjà, c'est une ressemblance entre notre imagination, au sens de l'imagination de l'imagination, la manière dont nous imaginons notre propre imagination, et la manière dont les technologies opèrent sur celle-ci. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les technologies sont notre principale manière d'imaginer. La manière dont le récit fictionnel s'introduit dans la Silicon Valley, dans des personnages comme Elon Musk, par exemple, avec Hyperloop ou des projets comme ça, c'est vraiment un territoire de fictionnel et en même temps où le capitalisme est totalement mobilisé. Le discours des médias de masse sur l'intelligence artificielle commence à se fissurer et laisse place à une réflexion sur cette fameuse imagination artificielle. Donc ça voudrait dire que la représentation n'est pas un remplacement, mais une ressemblance d'une structure fondamentale à une autre, en tant que chacune se projette sur l'autre. C'est donc l'idée d'une relationnalité qui était d'ailleurs dès le test de Turing, qui était vraiment au cœur de la première cybernétique. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne avec ce que j'appellerais le paradoxe de la finitude, si vous le voulez bien. Alors, donc mon hypothèse, c'est que l'imagination est la plus à même, est une méthode, en fin de compte, c'est une manière de connaître. Alors là, je suis assez d'accord. J'opposerai peut-être pas les concepts et la perception, mais c'est une manière de connaître. Et c'est une manière très efficace de connaître et d'aborder cette question fondamentale de l'intelligence artificielle de façon réflexive, en prenant en compte ses propres conditions de possibilité, qui nous permettront enfin de sortir d'un discours naïf, qui est pourtant omniprésent, de cette espèce de mimétisme technologique où la machine devrait remplacer l'être humain. Alors si l'imagination est au cœur de la connaissance, c'est que nous estimons que les œuvres d'art sont un mode privilégié de réflexivité perceptive, ce qui ne veut pas dire d'identité à soi, de clarté à soi-même, et donc de connaissance qui est en même temps empirique et en même temps transcendantale. Alors, ces œuvres permettraient de se poser à la limite au sein de l'expérience de l'imagination en tant qu'elle est inextricablement humaine et technologique. Alors, on peut appeler ça l'anthropotechnologie. Par empirisme transcendantal, je fais référence à Gilles Deleuze et à cette idée toute simple chez Gilles Deleuze dans Différence et répétition, que le sujet se perçoit comme exercé en lui par quelque chose hors de lui. C'est le fameux « je est un autre », etc. Toute cette longue histoire du sujet fissuré. Alors, concernant donc là ce qu'on voit à l'écran, c'est le jardin de Royanji qui est à Kyoto. Donc j'avais fait un projet sur ce jardin pendant une résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto en 2014. Donc c'est un jardin très connu, un jardin sec du 15e siècle qui aurait été créé par un artiste plasticien. C'est d'ailleurs l'un des seuls jardins qui aurait été créé de cette façon-là. Et la légende veut que on ne voit jamais, il est constitué de 15 pierres et qu'on n'en voit jamais que 14, une pierre étant cachée par une autre pierre toujours, où qu'on soit. Ce que j'ai fait, on va pas le voir, mais je vais vous le décrire parce que je veux pas trop prendre de temps, sortir avec la vidéo et ainsi de suite. Donc en fin de compte, ce que j'ai fait survoler ce jardin par un drone. J'ai eu cette autorisation, ce qui a été très compliqué parce que c'est un lieu très célèbre. Je l'ai numérisé en nuages de points et ensuite, donc j'ai eu un modèle 3D de ce jardin. Et ensuite, j'ai fait une caméra virtuelle qui navigue de manière aléatoire et infinie dans ce jardin, dans ce nuage de points. Et l'hypothèse de ça, c'est que bien évidemment, peut-être qu'à un moment, la caméra verra les 15 pierres, trouvera l'angle parfait que nous, êtres humains, nous n'avons pas trouvé pour voir les 15 pierres. Mon hypothèse, c'est bien sûr que quand ce moment arrivera, peut-être, sans aucun doute, il n'y aura pas de témoin humain. Ça restera sans témoignage, donc sans perception, sans phénomène, sans etc. Et c'est plutôt ce domaine-là, antiphénoménologique, disons-le tout net, qui m'intéresse. Alors, pourquoi ? Parce que l'incomplétude de la perception du jardin se confronte à la complétude cognitive de la connaissance que nous en avons. Nous savons qu'il y a 15 pierres, mais nous n'en voyons jamais que 14. Et c'est le manque qui est constitutif de la complétude. Il y a donc un décalage entre la perception et la cognition, et, me semble-t-il, ceci est constitutif de l'expérience comme manque, absence, mémoire et imagination. Pourquoi ? Parce que les grands, entre autres, Bergson, Husserl, quand ils ont thématisé la question de l'image, ils l'ont toujours fait par rapport à l'action de la mémoire et de la rétention. Alors, je nomme donc infinitude, c'est-à-dire infini et finitude, le rapport entre les deux, en général ça ne va pas ensemble, la finitude et l'infini, cette ressemblance entre, d'un côté, la finitude humaine de la perception et l'infini technologique, qui a bien sûr quelques proximités avec la théorie du sublime Dorkien et Kantien, mais qui en diffère du fait de sa réflexivité. Je ne vais pas développer plus avant. Alors, l'infinitude, qui est en fin de compte un autre nom de l'imagination artificielle, et vous comprenez maintenant pourquoi je mets artificielle entre parenthèses, parce que l'imagination est toujours artificielle, prend une autre forme dans un travail que j'avais fait aussi en 2014 qui s'appelle Memory Center. Alors, c'est constitué d'une base de données de 20 000 rêves qui ont été compilés à l'Université de Californie qui me l'a très gentiment cédé. Les chercheurs m'ont très gentiment donné cette base de données de 20 000 rêves. À partir de cette base, la machine va produire de nouveaux rêves en utilisant ce qu'on appelle des chaînes de Markov, mais bon, peu importe. C'est que ça permet non pas seulement de faire de l'aléatoire et de splitter des petits morceaux, mais vraiment de constituer de nouveaux rêves. Ces rêves sont lus par une voix de synthèse. Vous en avez un exemple, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est en anglais bien sûr. Vous en avez un exemple là, en dessous, d'un rêve généré totalement par la machine. Donc une voix de synthèse lit ce rêve et en temps réel, le logiciel va chercher au hasard, va chercher trois images qui correspondent à des mots du texte. Donc c'est les trois images qu'on voit dans l'installation. Là on en voit que deux, mais normalement il y en a trois. La plupart du temps, la relation entre le rêve produit par la machine, imaginé par la machine, et les images va produire une fiction assez crédible. Parce qu'on se raconte une histoire de la rencontre entre ce texte dont on accepte l'incohérence parce que c'est un rêve, avec ces images dont on accepte le décalage parce que ce sont des images de rêve, et que le contrat du rêve, c'est qu'on accepte la contingence et le décalage de signification, le dérapage de signification. Alors, ce décalage, il est généralisé parce que je crois que nous avons tous fait le test d'aller sur Google, de taper un mot un peu au hasard et de trouver l'image qui correspondait dans le moteur de recherche image de Google, l'image qui correspondait à ce mot. Nous nous sommes souvent amusés que l'image ne soit pas la représentation exacte du mot et nous nous sommes imaginé les raisons de cette erreur. À partir du moment où tous les médias sont en réseau, notre imagination est remplie de ces décalages et de ces petits amusements, de s'imaginer pourquoi la machine se trompe. Nous ne cessons d'imaginer les machines. Memory Center est une machine à rêve, au sens très concret, où le web de zéro a permis de nourrir les machines de toutes nos mémoires existentielles. Quand nous déposons aujourd'hui sur Facebook des fragments de notre existence, ça nourrit des réseaux récursifs de neurones et ça va produire un nombre d'effets. Alors, autre exemple, j'arrive à la fin. Donc c'est un travail de peinture qui s'appelle It's Not Really You. Donc c'est une autre expérience d'imagination artificielle. J'ai nourri un réseau récursif de neurones de milliers de peintures. Et donc il a appris à en produire en suivant ce fil de la ressemblance. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai réintroduit ces images dans un autre réseau récursif de neurones pour qu'il les décrive et qu'il leur donne donc un titre. Donc la machine donne lui-même le titre de ces images et le propre de ces peintures, c'est qu'elles sont abstraites. Et donc là, par exemple, c'est un oiseau, il le décrit comme un oiseau dans l'eau. C'est le titre qu'il lui a donné, et on s'imagine très bien pourquoi. Parce qu'effectivement, cette peinture abstraite, finalement, on voit bien qu'il y a des formes d'ondulation comme de l'eau. Et donc ça a ce jeu un peu ironique par rapport à la peinture abstraite, le sens qu'on accorde à une peinture abstraite et à la représentation. Mais là, l'intérêt, c'est qu'on voit que, très très concrètement, en ne faisant que des imaginations artificielles, nous-mêmes, ça nous procure une imagination. Et c'est ce point-là que je trouve très intéressant. Donc, ce n'est pas du tout dire là que, de façon naïve et précritique, que les machines seraient douées d'imagination, à la manière d'un attribut d'une essence, mais que l'imagination, quelle qu'elle soit, notre imagination, comme l'imagination des machines, n'a jamais été que le résultat d'une attribution, c'est-à-dire de quelqu'un qui dit « tu as un grand imaginaire » ou « tu es un artiste ». En d'autres termes, l'imagination est toujours l'imagination de l'imagination, et c'est pourquoi elle est structurellement un artifice, c'est-à-dire une technique. Alors, j'aimerais finir par une, si vous le permettez, par une petite vidéo. J'espère qu'elle sera visible. J'espère vraiment qu'on va la voir, elle est tellement importante. Elle est là, regarde. Elle est là. Oh, bien. Elle est sur le mauvais écran. Alors, ah zut. On va se la regarder à quatre. Même plus tard. Alors, là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que l'ordinateur s'est arrêté, donc voilà. Donc moi, c'était ma chute, je suis hyper embêté. Bon, c'était quoi? C'était une vidéo où on voyait un petit chat, un chaton. Je suis désolé, je sais, c'était un chat, mais là, l'ordinateur, c'est, je pense, éteint. Mais peu importe, je crois qu'il s'est juste éteint, mais je vais vous raconter. Vous allez imaginer, vous allez voir. Donc c'est un, peu importe. J'aime la réalité comme ça. Donc c'est un petit chaton qui est très mignon comme tous les chatons, c'est fait pour. Et qui fait face à une sculpture de chaton. Et il joue avec. Il tourne autour. Bah oui, bien sûr, bien évidemment. Il tourne autour. Et alors, voilà comment j'aimerais conclure. Donc, j'ai appelé cette vidéo Vorstellung, la représentation en allemand. Alors, donc, il s'agit d'un chat qui va jouer avec cette sculpture de chat. Il sait, entre guillemets, et il ne sait pas, entre guillemets, que c'est un chat. C'est-à-dire son semblable. Et que ce n'est pas un chat, son autre. C'est pourquoi il joue d'ailleurs avec. Le savoir de ce chat, son incertitude et l'expérience même d'une représentation, d'une ressemblance qui n'est par définition pas identique. La ressemblance, c'est pas l'identité. C'est-à-dire, finalement, d'une œuvre d'art qui, vous connaissez cette citation canonique de Benjamin sur Laura, qui pourrait lever, Laura, c'est quelque chose qui pourrait lever les yeux sur nous, qui ne le fait pas, mais qui pourrait, qui a cette possibilité. Bien sûr, c'est nous qui imaginons encore ce chat. Et c'est ce chat qui nous permet de mieux comprendre notre propre expérience artistique. Le chat, comme la technique, est notre miroir impair, notre miroir noir, qui nous donne accès à ce que nous ne sommes pas. Tout ça pour dire que le chat a une expérience de l'art. Je vous remercie.